toujours dans l'aspect française, qu'on prend bien le temps de creuser, détailler et présenter une autre nouveauté, Words Doubt. Alors on est clairement sur la crème de ce qu'on peut retrouver en termes de hardcore français à l'heure actuelle. Depuis la fin des excellentissimes Arm Down, Words Doubt pour moi tient vraiment la dragée haute en termes de hardcore français hautement qualitatif. Voilà, ils sortent là leur premier effort studio après deux EP. Premier effort studio longue durée, bien évidemment. Words Doubt Extinction, le nom de leur premier album studio. A noter que c'est une sortie plutôt cool hein, sur le label allemand Beatdown Hardware Records, un des meilleurs labels européens en la matière, si ce n'est le meilleur. Voilà, Words Doubt qui a maintenant tous les intérêts braqués sur eux. Ils n'ont plus qu'à grandir et continuer de sortir de la musique aussi quali. Et dans la foulée de Words Doubt, Exanimis, qu'on vous a présenté les semaines passées. Hein, Exanimis, ce n'est pas une nouveauté pour l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation qui nous vient du Grand Est de la France ? Ils sortent là leur premier effort studio longue durée intitulé Marionnettiste. C'est vrai que dans la présentation, j'avais rapproché ça un petit peu d'une inspiration à la Misanthrope. Voilà, je vous laisse prendre le temps d'écouter pour faire votre propre avis. Despise Death, le titre de Words Doubt, pour moi un des meilleurs titres de l'album. Exanimis ensuite avec le morceau Stampede Earth 10,000. C'est parti. Swords. We know that can't. Et voilà, il est temps de clôturer la spé française d'aujourd'hui, comme annoncé hein, au tout début, une spé française extrêmement riche et appréciable, toujours très qualitative, que l'on va clôturer d'ailleurs de manière aussi qualitative avec la jeune formation nantaise Sol Draconis Septem. On est sur de l'Indus Black bien soigné autour du thème d'Hyperion. Une sortie sur le tout jeune label créé pour l'occasion Time Tombs Production, autour desquels gravitent des membres de Black Speech Booking, Black Speech Production, etc. etc. Et dans la foulée, un autre extrait du split entre Tsunami et Gulch. Là, on change radicalement de style, et puis on passe à l'international avec un retour à la prog avec cette formation Riken. Voilà, à partir de la semaine prochaine, on s'enverra du Gulch dans les oreilles. Il va falloir bien nettoyer vos enceintes, hein, parce que sinon, ils vont s'en charger, ça va dépoussiérer comme il se doit. Sol Draconis Septem pour clôturer l'aspect française Riverless Taste is Better. Et dans la foulée Tsunami avec le morceau Die Slow et l'EP est déjà dispo. We'll be right back. ain't never gonna be shit. And you less of a man than me, so as soon as I decide that you ain't gonna be shit, pow, so be it. You remember that, motherfucker. Left alone, did you just forget? A mistake, or something you regret? Coward's rise, that's all you'll ever be. You make your choice, when you went to leave. On repart 100% dans l'aspect international avec une autre nouveauté encore. Storturn, rappelez-vous de cette formation suédoise qu'on vous a déjà diffusée. Cinquième album pour le groupe qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Toujours un black death mélodique, assez technique. Hein, voilà, le groupe nous sort encore une fois de la grande qualité. Petite anecdote sur le visuel, l'artwork est signé par le même... l'artwork est également signé par Paolo Girardi, celui qui a signé celui du Creeping Fear. Voilà, un artiste italien pas mal sollicité ces dernières années, et c'est notamment lui qui s'est chargé de tous les visuels des albums de Firespawn. Donc voilà, pour les présentations autour et de Storturn, et ils seront en doublette avec Dune. Bon, eux, on vous les a déjà présentés ces dernières semaines. Etemen Enka, c'est le nom de leur nouvel effort studio déjà dispo chez Metal Blade. Storturn, le morceau l'album Hypermanence, pardon, avec le titre Moon, Sun, Stars. Dune avec le titre Enuma Elis, c'est parti. La doublette suivante, c'est une doublette de nouveautés, et elle a ça en plus pour elle que c'est une doublette avec deux formations qui ont une chanteuse. On apprécie toujours d'avoir des groupes qui proposent une frontwoman, et là on a l'occasion de vous la passer en doublette. Donc on a tout d'abord Ahara, une formation suisse qui nous fait un black metal atmosphéro-mélodique, cependant très frontal, très direct, hein, ça envoie de la grosse poutre. Et donc une vocaliste au micro, on est sur du black ultra criard, strident, bien old school. Ça n'est bien sûr pas sans rappeler ce que peut nous proposer Darkened Nocturne Slaughter Cult. Une formation récente, hein, formée en 2018, qui sort cependant déjà son troisième album. À noter que le précédent, sorti donc en avril 2020, il y a tout juste un an, était déjà signé chez Debemur Morty. Donc voilà, Ahara, une formation à suivre de très très près. Et dans la foulée, de l'autre côté de la planète, on retrouve Ankerkeria. Là, on est sur du death venu du Brésil. Donc voilà, également une vocaliste que l'on pourrait situer entre Angela Gossow, à la belle époque de Arch Enemy, et Larissa, la vocaliste de Venom Prison. Voilà, le groupe s'est formé en 2013, quelques singles égrenés par-ci par-là. Et là enfin, un premier album studio, ça tient la route, ça sol old school, mais encore une fois, pas dépassé, avec une basse qui claque proprement. Voilà, forcément, il y a avec deux femmes dans le groupe, on a une forte connotation au militantisme, ce qui est très intéressant. Ça transparaît pas directement. Mais c'est partout sous-jacent dans les textes autour de mythes et légendes sur l'intolérance, le préjudice, l'autoritarisme, etc. Donc voilà, c'est très positionné, c'est super intéressant, c'est plutôt bien branlant, plus musicalement. Au niveau du nom du groupe, Ankerkeria, c'est pas banal, ça remonterait aux origines espagnoles, puisque l'ami Sylvain a mené sa petite enquête, et en fait ça reviendrait de l'ancien un ancien dialecte patois basque, qui pourrait se traduire donc par atrocité ou barbarie. Voilà. Ankerkeria et juste avant Ahara, doublette de nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui. Ahara, l'album Triad One EOS, une sortie donc toujours sur le label Debemur Morty Production. On s'écoutera le titre Naufragus. Et dans la foulée, Ankerkeria qui nous vient du Brésil. Voilà, le titre de l'album part de lui-même, Matriarch. Et on s'écoutera le titre Feeding Fools. C'est parti. Et ouais, une émission encore une fois qui est passée extrêmement vite, je trouve, à mon goût, puisque c'est déjà la dernière doublette, la doublette de clôture pour aujourd'hui. Avec cependant une autre nouveauté, voilà, une nouveauté de plus, Mare Cognitum. C'est une formation de. Allez, on va dire que c'est un peu une expression à la mode, hein, de Cascadian Black Metal. Donc voilà, un one-man band ricain. On est sur du Cosmic Black. La formation a été formée en 2001. C'est déjà le cinquième album avec 5 titres situés entre 10 et 12 minutes. Des morceaux riches, très variés. Cependant, sur un fond de black metal très intense et frontal. Voilà, on a même des passages très, très mélo et même des solos façon heavy metal. D'ailleurs, le titre d'aujourd'hui, version éditée, hein, encore une fois, l'album, le morceau, pardon, fait lui 11 minutes en réel. Sur Radio Béton, on vous en diffusera que 8. Mais sur la version blog de l'émission, que vous pourrez retrouver le lundi en fin de journée, vous avez les titres édités qui sont diffusés en entier. Donc voilà, on vous invite à vous les écouter, et puis à écouter les albums, et même à vous les procurer. Voilà pour Mare Cognitum. Et puis bah en doublette avec Mare Cognitum, un groupe qui n'a rien à voir et qui envoie de la boisaille absolument sans délicatesse. Last Day of Humanity, les rois du gore grind européen, pour pas dire les rois du gore grind mondial. Extrait de leur nouvel album studio sorti 15 ans après le précédent, Horrific Composition of Decomposition. Une doublette dans la doublette, Luminous Accretion, version éditée pour Mare Cognitum, Last Day of Humanity, Analyzing the Clinical Abnormality of Rigor Mortis, enchaîné à In Myocardial Infraction. C'est parti! voilà, pour clôturer l'émission d'aujourd'hui, comme annoncé au tout début des 2 heures, notre dernier hommage à l'immense artiste, au grand monsieur qui était Lars-Goran Petrov, notamment vocaliste de Entombed et d'autres formations toutes plus cool les unes que les autres venues de Suède. Voilà, Lars-Goran Petrov nous a quitté il y a quelques semaines après avoir perdu son combat contre la maladie. On va s'écouter un de mes morceaux préférés de Entombed, d'extrait de l'album qui me les a fait découvrir sur scène, sorti en 2007, Serpent Saints. Et on va s'écouter justement le titre de l'album qui pour moi est un putain de tube. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain. Ciao ciao.